Paisel, c'est bon ? Ouais, je crois qu'on les a avec nous. Venturia avec leur chanteur, guitariste, Charlie Saona. Bonsoir Charlie. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ah ben, tout le plaisir est pour moi. On va se tutoyer, ok ? Ok, avec grand plaisir. Alors, Charlie Saona du groupe Venturia, encore une fois, bienvenue. Alors, un nouvel album hybride qui est sorti il y a quelques temps chez une maison de disques qu'on aime bien ici. Hein, c'est Lion Records, une petite maison de disques qui héberge vraiment des bons groupes. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez rare parce qu'on sait les problèmes qu'a l'industrie du disque actuellement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des labels comme Lion Music qui cherchent des nouveaux talents dans un style qui est pas très très populaire. Donc, ça fait toujours plaisir de voir émerger de nouveaux groupes qui sont défendus par un label. Donc, Lion Music qui est un label finlandais. Voilà. Voilà, exactement. Et dont le leader, enfin le patron, c'est un guitariste en plus, hein, voilà. Donc c'est encore tout plus... Tout à fait, Lars Mattsson, tout à fait, oui. Voilà, exactement, et qui d'ailleurs participe à... Bon, il en profite, hein, c'est normal, il a un label, il profite, on le voit dans plusieurs signatures, dans plusieurs groupes d'ailleurs, ouais. Même en tant que guitariste. Alors je sais pas, est-ce qu'il a joué un petit peu avec vous là sur cet album ? Ah non, il a pas joué avec nous sur l'album, on se connaît, on s'est rencontrés de temps en temps, mais il a pas joué avec nous sur l'album, mais c'est une bonne idée peut-être pour l'occasion d'un album qui va réunir des différents talents. Il faudrait proposer l'idée, oui. Voilà. Sinon, rapidement pour faire les connaissances, hein, je crois qu'on a une connaissance commune. Je ne sais pas s'il a travaillé avec vous sur cet album, c'est Kevin Cotefert du groupe d'Adagio. Et ouais. Kevin, en fait, c'est un ami de longue date, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'on est amis. Et oui, alors il a travaillé avec nous en tant qu'ingénieur du son. C'est lui qui a fait le mix de l'album. D'accord. Et c'est d'ailleurs le premier album qu'il a produit et mixé. Ça a été le premier album de Venturia. Dû au fait qu'on est amis depuis un moment, on a beaucoup parlé ensemble, on avait envie de travailler ensemble et devinant ses compétences au niveau artistique et en matière d'ingénieur du son, je lui ai fait confiance, on a travaillé, et puis voilà, il a fait un travail vraiment extraordinaire, et puis il l'a confirmé tout au long de ses productions avec Mirat, avec Adagio, et là il a fait d'autres groupes que je connais pas récemment, et une fois de plus, il a fait un superbe travail sur notre nouvel album, ça c'est clair. Alors un truc intéressant, hein, tu viens de citer le groupe Mirat, tu as écouté, oui. Tu connais ? Ben, je les connais, oui, parce que Kevin m'avait fait écouter ce qu'il était en train de faire, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et par la suite, on s'est rencontrés avec les membres du groupe, mais par Internet, par le D'accord. biais de MySpace ou Facebook. Donc on se connaît sans se connaître, en fait. On ne s'est pas rencontrés physiquement, mais j'espère pouvoir les rencontrer de visu prochainement. Ouais, on espère peut-être même que vous jouez sur une même scène, hein, pourquoi pas, un de ces quatre. Ah, ça serait une bonne idée. Ça serait bien. Alors, Venturia, parle-nous un petit peu de ce groupe, hein, qu'on a découvert récemment, en fait, ici à Tunis, dans l'émission à Zanzana. Donc, ouais. Venturia, c'est prime abord, hein, on ne se dit pas que c'est un groupe français, mais si, c'est un groupe français. En fait, c'est plutôt un groupe international dans D'accord. le sens où nous sommes 5. Effectivement, il y a 3 Français qui sont Lydie, la chanteuse, Thomas, le bassiste. Enfin, bien qu'il ait une double nationalité, il est américain et français, mais il habite en France, dans le sud de la France, avec moi. Et donc moi-même, qui suis français. Le batteur, lui, est de Suisse. Donc c'est pas très loin de la France, mais bon, on se voit très souvent. Et par contre, Marc, le chanteur, lui, est américain. Enfin, il est d'origine brésilienne. Et c'est d'ailleurs un ami de Gustavo Monsanto, qui est l'ancien chanteur d'Adagio et qui maintenant travaille avec Timo Tolki, le leader de Stratovarius dans le groupe Révolution Renaissance. Donc, pour revenir à la question, oui, nous sommes français, principalement, mais voilà, on est plutôt franco-américano-suisse. Voilà. D'accord. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure en disant que tu étais chanteur, mais pas trop, hein, parce que bon, alors, tu fais les chœurs. En fait, oui, je fais les chœurs, mais voilà, mais le chant est quelque chose qui me plaît beaucoup, et je suis d'ailleurs en train en ce moment de travailler sur un album solo où je chanterai. Donc, là. En fait, c'est pas très loin, pas loin de la vérité. Voilà. Alors, Venturia existe depuis combien de temps Sous cette. On a commencé à faire les choses sérieusement en 2000. Par contre, on a mis beaucoup de temps pour essayer de trouver le line-up parfait et d'avoir l'idée des deux chanteurs. C'est au moment où j'ai été contacté par Lion Music pour jouer pour un tribute album de Shawn Lane, que j'ai rencontré Lass, donc le patron de Lion Music, c'était en 2003 ou 2004, et je lui ai fait écouter une démo qu'on avait faite de Venturia, et à partir de ce moment-là, où il nous a dit « je trouve la musique très intéressante », là, on a vraiment commencé à travailler comme il fallait, parce qu'en fait, on ne voulait pas composer, faire un disque sans avoir une maison de disque. En fait, nous, on voulait, comme on n'avait pas l'opportunité de jouer, on voulait d'abord avoir des contacts avec des gens du métier, donc c'est pour ça que pendant 4 ans, il ne s'est trop rien passé. Mais c'est surtout à partir de 2004 que les choses se sont décidées. Quoi. D'accord. 2004, donc, finalement, vous avez mis 2 ans pour sortir un premier album. Disons que 2005, on a commencé l'enregistrement de l'album. Et quand l'enregistrement a été terminé, donc c'était, je crois, en août 2005, le temps qui est la signature avec la maison de disques et le temps que celui-ci sorte, il s'est passé 9 mois en fait. Voilà, ouais. Voilà, donc l'album est sorti, le premier album est sorti en 2006, mais il avait été fini d'être enregistré en 2005. Voilà. Alors est-ce que dès le départ, hein, la configuration musicale a toujours été ça, c'est-à-dire l'objectif c'était de faire un groupe. Alors c'est quoi exactement? Parce que en lisant un petit peu partout, on dit métal symphonique, on dit progressif, on dit il y a beaucoup de choses, tendance expérimentale. Oui. Comment est-ce que vous classifiez? Alors c'est sûr, en général, quand on est musicien, on n'aime pas qu'on se classifie. Voilà. Je pourrais nous qualifier comme en faisant du métal hybride. Métal hybride. Parce que c'est vrai qu'on mixe beaucoup, pas mal d'influences. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous, on apprécie différents styles musicaux et on a voulu essayer de mettre beaucoup de couleurs différentes, donc au moment où on a écouté les démos de ces titres là en fait, on s'est concerté avec le groupe et tout le monde a dit ça sonne pas trop progressif, c'est pas du métal symphonique non plus, mais il y en a un peu et en fait on a trouvé l'adjectif qui correspondait le mieux à la couleur musicale de cet album, et puis c'était le métissage en fait, il y avait une espèce de métissage et le mot qui sonnait le mieux et qui était synonyme de métissage, c'était hybride en fait, voilà. D'accord, d'où le nom du deuxième album. Tout à fait. Ouais. D'accord. Métal hybride, les métissages déjà, bon, au niveau des nationalités, ça c'est clair, hein, métissage avec une chanteuse et des musiciens masculins, mais aussi métissage aussi au niveau des influences, parce que bon, c'est vrai que quand on écoute, ça va un petit peu dans tous les sens. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ce métal hybride se met en place? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette couleur musicale? Au départ, on essaye de faire en sorte que la chanson soit une chanson forte. C'est-à-dire, je vais composer les maquettes souvent, soit juste avec le clavier et en chantant des mélodies, ou alors la guitare est chantée par-dessus. Une fois qu'on a cette trame qui est forte, si on estime que la mélodie, que la base est bonne, en fait, on va la travailler avec des couleurs différentes. Et comme on écoute beaucoup de musique dans différents styles, on va vouloir essayer de prendre les violons, on va estimer qu'ils vont être bien sur un riff de guitare, ou alors pendant l'écriture de l'album, j'écoutais pas mal de musique électronique parce que je trouve que les synthés, les claviers sont travaillés d'une façon différente que celle qu'on peut entendre en métal. Donc j'avais envie vraiment aussi d'expérimenter ça. Donc en fait, ça vient naturellement. Voilà, c'est tout bête, mais ça vient naturellement. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une influence aussi des maisons de disques? Non, non. Musique. Par contre, la bonne chose avec le fait d'être signé dans une petite maison de disques, ouais, est qu'il nous laisse la liberté totale au niveau artistique. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est le point positif en fait d'être signé dans une petite maison de disques. Voilà, ils nous font confiance totalement artistiquement. Donc on n'a pas été sollicité. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon aussi, quelque part, certains auront certainement fait une espèce de correspondance, on va dire ça, avec des groupes comme Evanescence, hein, oui. Étant donné que, bon, vous chantez, vous êtes un groupe à chanteuse aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, quelque part, de, Alors on va le dire, profiter, il n'y a pas de mal, hein, profiter du succès médiatique de groupes comme Evanescence, comme Nightwish, comme Within Temptation. Non, ça c'est une très bonne chose, ce sont d'ailleurs des groupes que j'apprécie particulièrement, mais si notre désir était de ressembler à des groupes comme ça, on ferait pas du tout une musique aussi variée. D'accord. Et on enlèverait tous les passages techniques, parce que bon, on sait bien que pour profiter de cette vague-là, il faudrait aussi que la musique soit beaucoup plus simple par rapport à celle qu'on fait. Donc, mais effectivement, ça a été quelque chose. Maintenant, je pense que le public métal est plus ouvert d'esprit. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu que le mélange se faisait très bien avec des chanteuses à voix pure, c'est sûr que c'est ce qui nous a aussi conforté dans l'idée qu'il fallait essayer avec Lydie, qui est une amie à nous de très longue date, mais qui ne connaissait pas ce style de musique-là, en fait. Donc ça a été aussi intéressant, parce que c'est une fille qui est très branchée world music, et pas forcément métal, et voilà quoi, le mélange a été très intéressant, et puis humainement voilà, c'est une très bonne chose. Donc la démarche première n'était pas de ressembler à des groupes comme Within Temptation ou Nightwish ou Evanescence, mais on sait que forcément on peut y être comparé dû au fait qu'une chanteuse à voix claire chante sur du métal. Ouais, mais bon, il y a aucun problème. on assume aussi voilà, de surfer sur ce qui se fait actuellement depuis déjà plusieurs années. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de mal, hein. Et même plus bon, rajouter le côté technique rajoute encore plus de consistance à la musique, c'est clair. Mais il y a un truc là que j'ai entendu là, c'est elle n'était pas du tout, on va dire, pas du tout métal, Lydie. Elle n'écoutait pas du tout ce type de musique. Non, je la connaissais. Je travaillais avec elle dans des groupes de reprises depuis un moment. D'accord. On a eu l'occasion déjà d'échanger nos goûts musicaux, et c'est vrai qu'elle n'en écoutait pas. Je crois que c'est en 2003, j'ai commencé à lui faire écouter Venturia, parce qu'au départ, je lui avais proposé si elle serait d'accord pour faire quelques chœurs, et en fait, j'ai été très étonné de voir sa réaction, qu'elle avait énormément aimé. Donc j'aurais pas imaginé en fait qu'elle apprécie, et puis connaissant sa voix et sa sensibilité, je lui ai proposé si elle serait d'accord de chanter beaucoup plus que des simples chœurs, en fait, et elle a été d'accord, et puis voilà, et depuis je lui ai fait écouter justement d'autres groupes de métal, Dream Theater, Adagio, Evanescence, enfin tous les groupes, et elle s'est donc appréciée aussi également, ça m'a fait très plaisir. D'accord. Maintenant, voilà, elle a un peu plus de culture métal qu'il y a quelques années. Ouais, maintenant, l'inconvénient, c'est que peut-être elle aura un petit peu moins, comment dire, de spontanéité par rapport à... Non, pas du tout. Parce qu'elle elle s'imprègne pas non plus de ces groupes-là. Elle D'accord. les a écoutés par curiosité. D'ailleurs, je l'ai fait écouter, je crois, après avoir enregistré le premier album de Venturia. Parce que je voulais pas qu'elle soit influencée, mais c'est pas son cas. Parce que c'est une fille qui a, au niveau vocal, une personnalité vraiment bien à elle. Et je savais, et puis on n'avait pas envie qu'elle change non plus. Parce que ce qui nous plaisait, c'est justement sa spontanéité, sa fraîcheur et tout ce qu'elle allait apporter naturellement au groupe. Donc non, elle est pas influencée par ce genre de chanteuse. D'accord. Alors, un groupe qui démarre en 2004, un premier album qui est enregistré, on va dire, en 2005, donc sorti en 2006. Oui. Déjà un deuxième album. Quel est le profil type du fan de Venturia? Ah, je crois que... Il y en a plusieurs. J'ai été étonné. Je suis quand même très curieux. Il y a le fan qui va aimer le métal avec des jolies mélodies, et il y a aussi les fans de métal avec chanteuse. Il y a aussi le fan qui recherche l'exploit technique. Voilà, je pense qu'on peut regrouper ces trois catégories-là de fans de métal, mais avant tout, je crois que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, parce que c'est vrai que notre musique est un peu compliquée ou riche, elle est surtout riche au niveau des influences, donc voilà, ça va être quelqu'un qui va être curieux de découvrir différentes couleurs dans un style musical. Voilà. D'accord, et puis... au niveau du fan, est-ce c'est-à-dire la base des fans de Venturia, elle est plutôt française, elle est plutôt européenne, elle est plutôt américaine, nordique, comment ça se passe? Effectivement, on a une fan base, un groupe de fans qui est assez développé en en France, mais aussi aux États-Unis, en Italie, pas mal en Europe, de ce que je peux voir, oui, en Scandinavie aussi, et plus récemment au Maroc et en Tunisie. Ah, ça vient. Ça commence, voilà. Je commence à avoir des messages de personnes qui ont vraiment apprécié l'album, donc ça fait très plaisir parce qu'on s'y attendait pas. Et puis ça fait toujours plaisir d'échanger, voilà, quoi, de rencontrer des gens de différents continents, différentes cultures musicales et différentes cultures tout simplement, voilà. D'accord. Et puis quel est le genre de réaction, de questions? Ça, c'est plutôt des réactions vis-à-vis qui viennent du MySpace, je suppose. Hein. MySpace, Facebook et puis aussi sur les forums aussi. Mais effectivement, principalement MySpace, ouais, c'est vrai. D'accord. Et quels sont les je suis curieux de connaître le genre de réaction nord-africaine, on va dire. Marocaine, tunisienne. Déjà, ce sont des gens qui connaissent Mirat ou Adagio. D'accord. Et de ce fait, voilà, je pense que en fait, c'est très positif. Mais effectivement, je pense que c'est dû à l'explosion de ces deux groupes qui ont fait. Voilà, on a eu l'opportunité de suivre le filon et d'être un petit peu plus écouté dans les pays du Maghreb, quoi. D'accord. Mais bon, jusqu'à présent, c'est des avis très positifs. Voilà. Donc on est très content. Et au niveau de la réaction, on va dire, médiatique en France, comment ça s'est passé, surtout pour le deuxième album Hybride, au niveau des chroniques, des médias officiels, on va dire, dans un premier temps? Les chroniques, dans l'ensemble, étaient très bonnes. On saluait la production, les mélodies et le côté technique. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont un peu surpris du fait qu'il y ait... pas mal d'influences différentes, quoi, je crois. Mais en général, ce sont de très bonnes chroniques, aussi bien dans la presse que dans les sites web français. Et au niveau diffusion radio, comment ça se passe? Ça se passe, on n'est pas diffusé sur les très très grandes ondes de France, ça c'est certain, ouais. Mais on a fait quelques interviews dans différentes radios rock metal et ça se passe aussi très bien. D'accord. De toute façon, il aurait peut-être fallu mettre un bon vieux tube pour passer à l'énergie. Ah oui, alors, oui. oui, c'est sûr que ce serait une très bonne idée et puis un moyen de diffusion médiatique très important. Mais là, on se confronte au fait que sur les grosses radios comme Énergie et tout ça, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de travailler avec certaines maisons de disques et qu'on arrive en disant on fait un groupe de métal progressif et on est signé dans un petit label finlandais avec une petite distribution française. Là, paf, c'est sûr que ça nous ferme déjà beaucoup de portes. Ouais. Donc dans l'absolu, oui, on serait tout à fait partant pour passer sur Énergie, mais c'est aussi des connaissances, beaucoup d'argent et un réseau en fait dans lequel le métal ne fait pas partie sur ces radios-là, malheureusement. Ouais. Sinon, niveau cancer, comment ça se passe pour vous aussi depuis Ça se passe pas terrible. Ouais. disons qu'on a, c'est assez difficile de dû au fait de l'éloignement géographique des musiciens. C'est clair, en fait, ouais. On essaye de monter une tournée. Il est vrai que, étant donné qu'on n'est pas un groupe extrêmement connu, les tourneurs font un peu la fine bouche. On nous dit oui, on nous promet des choses qui ne se font pas. Donc, à l'heure actuelle, on n'a rien de concret, voilà, malheureusement. Malgré les chroniques, malgré le MySpace, malgré tout ça, ouais. C'est pas suffisant. Ouais. Ouais, vraiment ouais. Pas. Mais bon, on désespère pas, de toute façon, on est tous musiciens professionnels, on fait beaucoup de scènes, et puis c'est un plaisir pour nous de se retrouver à composer et à s'exprimer comme on le souhaite dans Venturia. Donc forcément, la scène est quelque chose qu'on souhaite absolument concrétiser très bientôt. Donc pour l'instant, on est en train de démarcher auprès des tourneurs. Voilà. Ouais. Même pas le festival féminine Metal Voice ou un truc comme ça, je crois qu'il y a un festival spécialisé voix féminine qui en Hollande. Ouais. J'en ai entendu parler. Oui, tu fais bien de m'en parler. Je vais essayer de les recontacter. Tout à fait. Alors comment ça se passe justement? C'est quand on est un groupe qui démarre pas quand même. Hein. C'est un groupe qui est là depuis 4 ans. Hein. C'est un groupe qui vient de sortir 2 albums. Un groupe qui a une qualité musicale. C'est pas un peu, j'allais dire désespérant, mais bon, énervant, frustrant de ne pas retrouver, de ne pas avoir de feedback, d'être obligé justement d'y aller comme si c'était le premier jour. C'est exactement ça. Si, alors, s'il y a du feedback, on a une certaine reconnaissance, mais en fait, c'est au niveau des ventes et au niveau médiatique, c'est pas suffisant. Oui, alors, ouais, c'est très frustrant. Donc voilà, enfin heureusement on a d'autres activités qui nous permettent de subvenir à nos besoins, mais oui si c'est tout à fait frustrant de se heurter au fait que voilà qu'il y a beaucoup de non, donc on nous dit souvent non, mais ça c'est je crois le propre de tous les groupes qui sont pas signés chez des majors. Voilà quoi, c'est les galères que connaissent beaucoup de groupes. Ouais, c'est clair. Donc je voulais vraiment te poser la question pour que tout le monde écoute ça ici en Tunisie, les jeunes groupes, les jeunes musiciens qui se disent ouais, le jour où je vais avoir un contrat avec une maison disque, ah non, ça fait je vais exploser et tout. Ça. C'est une première étape qui est certes gratifiante, mais il y a d'autres problèmes qui commencent parce qu'en fait, tout dépend de la maison disque. Si quelqu'un, et même si on fait une musique un peu spéciale signée dans une grande maison disque, il va y avoir les très grands noms de la musique qui passent avant nous. Donc quoi qu'il advienne, c'est toujours très très très difficile. Et ça marche, ça cartonne dans très très très peu de voilà, le pourcentage de réussite est très faible en fait. Ouais. Alors comment vous faites pour composer quand quelqu'un est en temps suisse, c'est être éloigné comme ça dans des pays différents. Alors on y arrive très bien, c'est une question d'organisation, il y a deux choses. La première c'est que moi j'essaye de faire les démos de la façon la plus aboutie possible. Et ensuite, je l'envoie aux autres. Ensuite, les autres l'écoutent et vont donner leur avis, vont essayer des nouvelles choses. Et ensuite, on décide de se retrouver tous ensemble. Je me retrouve d'abord avec Diego, le batteur. On arrange tous les deux. Ensuite, il va y avoir Thomas, le bassiste, qui va apporter des idées, tout ça. Donc, on essaye de se dire, on va se trouver une semaine dans laquelle on va uniquement travailler sur les arrangements. Et voilà. Et puis ensuite, les chants viennent se greffer dessus. J'enregistre aussi des voix témoins. Et en leur disant, si vous avez d'autres idées, allez-y. Internet aussi nous aide beaucoup. Ça, c'est extraordinaire le fait de pouvoir s'échanger des fichiers, de pouvoir communiquer à l'autre bout du monde. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc en fait on y arrive, mais principalement dû au fait que j'essaye de pré-mâcher le plus de choses possible avant. Ouais, exactement. D'ailleurs tu n'envisages pas quelque part aussi un de ces quatre de franciser un petit peu plus tout ça à cause de tous ces problèmes de logistique, de distance? Pas un problème parce que dû au fait qu'on est tous musiciens professionnels, ouais, et qu'on fait partie de formations différentes, on peut arriver à se faire remplacer. Donc il est facile pour nous si on s'y prend à l'avance de se caler une semaine de répétition par exemple et pour un concert. Donc ça jusqu'à présent on y arrive. Ensuite je sais pas si ce qu'il adviendra si jamais on a une grande tournée, mais en tout cas quoi qu'il advienne, notre choix, notre cœur va tous vers Venturia, notre cœur artistique en fait. Et voilà quoi, ça c'est quelque chose. Venturia passera en première place si jamais on est demandé à des festivals ou pour enregistrer un album. Donc jusqu'à présent on arrive à s'en sortir. On parle un petit peu plus de Hybride là maintenant. Hybride, donc un album qui est sorti il y a 2-3 mois là. Tout à fait, ouais. Voilà. Il est sorti mi-septembre. En France il a été distribué début novembre. Donc ouais, effectivement ça fait 2 mois et demi. Ouais, ouais voilà. De 3 mois, donc le concept de Hybride, c'était quoi exactement au niveau Il n'y a pas eu de concept particulier, si ce n'est que la volonté de donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. C'est aussi une musique, voilà, on a besoin de transmettre toute la passion qui nous anime, mais on avait aussi envie de faire une meilleure production, de jouer encore mieux que sur le premier, que les chants soient, il y ait beaucoup plus d'émotions. Donc voilà, ça c'était le but principal. Ensuite, il y a eu le fait, comme on en parlait précédemment, que voilà, j'avais eu beaucoup de nouvelles influences et que j'avais envie d'utiliser de nouvelles couleurs musicales au niveau des arrangements. Et je crois que c'est le concept de l'album. Voilà, ce sont ces quatre choses-là. D'accord. Au niveau des paroles, comment ça s'est passé? Au niveau des thèmes abordés, au niveau des lyrics? Oui. J'en ai écrit la plupart, mais j'ai beaucoup parlé avec Lydie, la chanteuse, donc qui est très souvent touchée par des sujets d'ordre politique ou sociologique. D'accord. Alors que moi, je suis plus touché par des sujets d'ordre psychologique ou sociologique. D'accord. Et il y a Marc également, le chanteur, qui lui a une façon plus fantaisiste d'aborder les paroles. Il y a également une amie à nous qui nous a proposé un titre. Donc en fait, potentiellement, je savais qu'on était plusieurs à vouloir dire des choses. Et donc voilà, on essaye de s'y greffer et puis on parle. Je fais avec Diego, on fait les mélodies des chansons et puis ensuite on essaye de coller les paroles en fonction de la mélodie. Voilà. D'accord. Donc vraiment. Et au niveau du par la suite du packaging, au niveau de l'image que vous voulez donner de vous-même, au niveau des photos, au niveau de la pochette d'album, Oui. Est-ce que à chaque fois il y a un concept, il y a une idée comment est-ce que vous travaillez ça? En fait, on a fait confiance. Pour le premier album, on a travaillé avec deux personnes qui travaillent dans le milieu de la photographie et de la danse. D'accord. Et qui, elles, ont vu plus, par rapport à notre musique, une image assez gothique. Donc on a fait confiance. On n'était pas totalement contents, parce qu'il y a beaucoup de nos proches qui ont trouvé, certes, en nous connaissant, que ça ne nous ressemblait pas, mais aussi que ça ne collait pas du tout avec la musique qu'on faisait. Donc, par contre, pour le nouvel album, là, on s'est dit bon, ben, on va s'habiller, voilà, tel qu'on est réellement, tel qu'on a envie d'être. On s'est pas posé trop de questions, mais par contre, on s'est entouré, certes, de photographes professionnels et d'infographistes professionnels à qui on a fait part de ce qu'on faisait musicalement et qui, eux, avec leurs moyens d'expression artistique, ont fait. Voilà, qu'on transcendait notre musique, mais dans leur art, quoi, dans le visuel et dans le graphique. Voilà. D'accord. Sinon, j'ai entendu dire qu'il y a eu Gus Monsanto, le chanteur d'Adagio, alors l'ex-chanteur d'Adagio, qui a chanté un petit peu avec vous. Alors, c'est sur le nouvel album ? C'est sur le nouvel album. Alors, ben voilà, Gus, en fait, c'est quelqu'un dont je suis très très proche depuis 4 ans maintenant. Voilà, je l'ai rencontré, il venait juste d'intégrer le groupe Adagio. Et en fait, on s'est rencontrés juste un petit peu avant d'enregistrer le premier album de Venturia. Et à cette époque-là, ben, notre premier chanteur, qui était français, enfin qui est toujours français, a décidé de quitter le groupe. Et en fait, j'étais en panique de chanteur, donc j'ai rencontré Gus. Voilà, on a vraiment sympathisé, on a beaucoup parlé de musique, il y a un courant humain qui s'est vraiment fait. Et c'est lui qui nous a fait rencontrer Marc, en fait, notre chanteur actuel. D'accord. Et depuis, en fait, Gus a passé, je crois, 5 ou 6 mois de chaque année, en fait, en France. C'était mon colocataire, en fait, donc on vivait ensemble. Ah. Donc c'est vraiment un ami très très proche. Et puis ben voilà, l'année dernière, il est venu au mois de décembre, et puis on avait quasiment tout enregistré. Donc de l'album de Venturia, et puis il m'a dit ah, j'aimerais bien écouter le titre que chante Marc tout seul. Donc j'ai fait écouter, et puis il m'a dit ah, écoute, j'aimerais beaucoup faire quelques chœurs. Donc ça m'a vraiment enchanté, parce que les avoir tous les deux réunis sur cet album, et puis surtout avoir Gus qui est vraiment un de mes meilleurs amis sur l'album, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ouais. D'accord. Voilà, bon, je sais pas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein, rapidement. Tout à fait, oui. sur Venturia. Bah, bonne chance déjà, on espère vous voir déjà sur scène, hein, de ces quatre en Tunisie, pourquoi pas? Eh bien, ce sera avec grand, grand plaisir. Et oui, en attendant, on peut se consoler en voyant quelques extraits live du groupe sur Internet, sur YouTube, ou alors sur le DVD bonus qui est inclus dans le CD. Il y a effectivement 4 titres live et un titre inédit et puis une galerie de photos. Mais en tout cas, venir en Tunisie, ce sera avec grand plaisir. Juste un truc, hein. Quand on sait que vos albums ne sont pas vendus en Tunisie et que vous avez des fans en Tunisie, vous imaginez un petit peu comment est-ce qu'on a bien pu avoir vos albums. Mais bien sûr, mais je pense que c'est une très bonne chose. Alors effectivement, c'est difficile pour les groupes qui ne peuvent plus vivre du fait de vendre des albums. Ouais. Mais moi, je pense qu'Internet et le piratage peut être très bien justement pour faire découvrir le groupe. Donc oui, je suis tout à fait au courant de cela, et c'est... On peut pas l'encourager, mais je sais que ça apporte aussi beaucoup de positif. Je sais qu'on ferait pas cette interview s'il n'y avait pas Internet et les conversions et les transferts de MP3. Est-ce qu'on peut dire que aussi que quelque part pour un groupe, un album maintenant c'est plus une carte de visite pour faire connaître le groupe. Tout à fait. Mais finalement, il n'y a pratiquement rien à gagner maintenant en faisant un album. Ouais, mais c'est... Sauf qu'on est un grand nom du show business. Ça c'est clair. N'est pas Johnny Hallyday qui veut. Oui. Et finalement, que le groupe permet finalement, l'album permet finalement d'avoir plus de concerts. Et là, finalement, c'est là où, quelque part, un groupe peut mettre de l'argent de côté pour pouvoir enregistrer un autre album, etc. Quoi. Tout à fait. Malheureusement, on en a le problème de pas trouver suffisamment de concerts en ce moment, mais bon, on y travaille. Mais ouais. Tout à fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses de nos jours. Très bien. Merci Charlie. Eh ben, merci beaucoup à toi et puis à tous les auditeurs de s'être intéressés au groupe et à notre musique. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour Venturia et au revoir. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.